بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسرني أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. J'espère que tu vas bien, que ta famille va bien. Aujourd'hui, on va parler, inshallah, de la pudeur. Qu'est-ce que la pudeur? La pudeur est tout d'abord un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. La pudeur, c'est pas simplement représenté par un habit comme le pensent certaines personnes. Ça, c'est pas représenté par un vêtement en particulier. Mais c'est tout avant tout un comportement. C'est une manière de vivre. La pudeur, c'est une branche de la foi. Tu dois avoir de la pudeur dans ta manière de parler, de marcher, de t'habiller. La pudeur, c'est ce sentiment qui rend honteux devant les gens lorsqu'on fait quelque chose contraire à la bonne conduite. Mais c'est aussi le sentiment qui rend honteux devant Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'on délaisse une obligation ou lorsqu'on commet une interdiction. La pudeur n'apporte que du bien, contrairement à l'obscénité. Dis-toi que la plus belle chose chez une femme, c'est sa pudeur. Lorsque tu as la pudeur, tu n'oseras pas commettre un péché car tu te rappelleras qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il voit tout et il sait tout. Et tu auras honte de lui désobéir. Car celui qui a créé l'obscurité te voit même dans le noir le plus noir. Sache que la pudeur, elle est de deux types. Il y a deux types de pudeur. Le premier type, c'est la pudeur innée, qui est ancrée en toi dès ta naissance. Elle compte parmi les plus nobles caractères dont Allah subhanahu wa ta'ala fait don à son serviteur et dont il fait un caractère inné chez lui. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « La pudeur n'apporte que le bien ». En effet, la pudeur empêche de commettre des turpitudes et d'avoir un mauvais comportement. Elle incite à avoir de nobles caractères. C'est donc une branche de la foi de ce point de vue. Le second type de pudeur, c'est la pudeur que l'on acquiert par le biais de la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, la connaissance de son immensité, la connaissance de sa proximité de ses serviteurs, du fait qu'il est témoin de tout ce qu'ils font, qu'il voit les coups d'œil traîtres et ce que recèlent les poitrines. C'est là un des plus hauts degrés de la foi. C'est même l'un des plus hauts degrés de la bienfaisance. La pudeur à l'égard d'Allah azza wa jal peut aussi découler de la reconnaissance de ses bienfaits en même temps que l'on n'est conscient qu'on fait du fait que l'on ne remercie pas assez. C'est-à-dire, quand tu vois tous les bienfaits qu'Allah t'a accordés, la subsistance, le fait d'être belle, d'avoir des yeux, une bouche, un nez, pouvoir respirer, pouvoir dire Alhamdulillah, de pouvoir parler, de pouvoir voir, tous ces bienfaits, le fait d'aller à l'école, d'avoir un toit, tous ces bienfaits-là, et il y en a de nombreux bienfaits. On ne pourra jamais dénombrer tous les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordés. Eh bien, tous ces bienfaits, quand tu vois tous ces bienfaits qu'Allah t'a accordés, tu auras honte devant lui de ne pas lui obéir alors qu'il t'a donné tous ces bienfaits. Ça fait partie de la pudeur devant Allah subhanahu wa ta'ala. Si le serviteur perd la pudeur innée, et c'est l'acquise, c'est-à-dire les deux types de pudeur, s'il les perd, alors rien ne l'empêche de commettre des mauvaises choses et de se comporter ignoblement. C'est donc comme si la personne en question n'avait plus de foi. Si elle n'a plus de pudeur, elle n'a plus de foi. Car je te rappelle que la pudeur est une branche de la foi. Donc si la personne n'a plus de pudeur, c'est comme si elle n'avait plus de foi. La pudeur dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait l'éloge dans le hadith est celle qui incite à accomplir de bonnes œuvres et délaisser les mauvaises choses. Quant à la faiblesse de la personnalité et l'incapacité qui implique de délaisser certains devoirs envers Allah, comme lorsque tu es malade, tu as un empêchement majeur qui t'empêche par exemple de faire la prière ou quoi, ceci ne fait pas partie de la pudeur car tu ne peux pas faire cet acte. Mais si tu le délaisses volontairement alors que tu as la santé, alors ceci c'est un manque de pudeur. Ce n'est là que faiblesse, impotence, incapacité et bassesse. Wallahu a'lam. Et Allah est plus savant. Par rapport à la pudeur, Allah a dit dans le Coran, restez dans vos foyers. Allah dit dans Sourate 33, verset 33, restez dans vos foyers et ne vous exhibez pas à la manière des femmes d'avant l'islam. Il dit aussi dans Sourate 24, verset 31, dis aux croyants de baisser leur regard et de garder leur chasteté, c'est plus pur pour eux. Allah est certes parfaitement connaisseur de ce qu'ils font. Et dis aux croyantes de baisser leur regard, de garder leur chasteté et de ne montrer de leurs atours que ce qui en paraît et qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine. Concernant la pudeur dans les hadiths, on peut voir ce hadith-là. Abu Mas'oud, Uqba ibn Amir, l'Ansarite, a dit, l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, certes, de tout ce que les gens saisissent d'antiques paroles prophétiques, la première est, si tu n'as pas de pudeur, fais ce que tu veux. D'après Imran ibn Hussein, radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la pudeur n'apporte que le bien. Un savant a dit, la pudeur naît de la comparaison établie entre la générosité dont Dieu fait preuve à ton égard et l'ingratitude que tu lui témoignes en retour. Car tu te sens pudique de ne pas assez le remercier, alors tu vois tous les bienfaits qu'il t'a donnés. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, a dit dans Madarij Salikin, la pudeur est fonction de la vie du cœur. Plus le cœur est vivant, et plus la pudeur est forte, et plus le cœur et l'âme se rapprochent de la mort spirituelle, et plus la pudeur est faible. C'est-à-dire, plus tu feras vivre ton cœur par le rappel d'Allah, le dhikr, le fait d'adorer ton Seigneur, plus ta pudeur elle augmentera. Et plus tu éloigneras ton cœur et ton âme d'Allah en faisant le haram, en délaissant les prières, en t'éloignant du rappel, et plus ta pudeur elle diminuera. Et on peut voir ça chez certaines personnes malheureusement aujourd'hui. Wallah al-musta'an. Et aussi, Ibn al-Qayyim a dit, la pudeur envers Allah est fonction de la connaissance de lui. C'est-à-dire, plus tu connaîtras ton Seigneur par ses noms et attributs qu'il s'est donnés, par le Coran, par les choses qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui dans les hadiths, plus tu connaîtras Allah et plus tu seras pudique devant lui. Je vais te donner quelques exemples qui indiquent un manque de pudeur qu'il faut délaisser. Tu dois ne plus t'occuper des défauts et des vices des autres. La médisance, tu dois t'en éloigner. Tu dois plus parler sur les gens, car ça diminue la pudeur. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes, malheureusement, qui s'occupent des autres. Et elles ne s'occupent même pas d'elles. Wallah al-musta'an. Le deuxième, c'est porter préjudice aux voisins. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a bien prévenu de faire très très attention, de faire très attention, de pas, comment dire, de pas, j'ai plus le mot là, mais c'est-à-dire tu dois pas embêter ton voisin, tu dois pas lui nuire, voilà, tu dois pas nuire à ton voisin, car c'est très très important. En troisième point, tu ne dois pas avoir le cœur rempli de haine, de rancœur, d'inimitié, de ressentiment et de rancune envers ceux des musulmans qui ne méritent pas d'être ainsi détestés. C'est-à-dire, tu ne dois pas avoir de la rancune ou de la haine envers un musulman, car ceci peut faire diminuer ta pudeur. Le fait que la femme sorte non couverte d'un voile, ça diminue la pudeur aussi, mais alhamdoulilah, tu portes le voile. Le fait d'occuper son temps libre par des choses inutiles, ça fait diminuer la pudeur aussi. Tu dois t'en éloigner, Inch'Allah. Et le sixième et dernier point, le fait de faire usage de son ouïe, de sa vue et de sa langue pour des choses dont les conséquences sont néfastes, telles que le fait d'écouter les mauvaises choses telles que la médisance ou la musique, ou de regarder des choses haram dans la télé, ou d'avoir des propos grossiers, cela fait diminuer la pudeur. Maintenant, on va parler du voile, Inch'Allah, car le voile fait partie de la pudeur. Je vais parler tout d'abord du voile shar'i, parce qu'il y a certaines femmes qui portent le voile, mais qui n'est pas le voile shar'i. Wallah al-musta'an. Quand tu portes le voile, ma sœur, sache que tu plais à ton Créateur et tu seras récompensé de cela, Inch'Allah. Le voile, c'est avant tout une protection de ta beauté. Tu te préserves, ça te purifie le cœur t'embellit de l'extérieur et de l'intérieur, ton honneur est préservé, tu es plus noble qu'un cristal. Sache qu'en portant le voile, tu adores ton Seigneur, car le voile c'est une forme d'adoration, et tu es en connexion avec ton Seigneur. Sache que la beauté, elle n'est pas dans le fait de mettre du maquillage ou d'avoir des habits à la mode. C'est pas ça la beauté d'une femme. La beauté d'une femme, elle réside dans sa pratique de la religion, dans sa chasteté et dans son comportement. Wallah, et ça c'est les femmes belles. Tu dois chercher à ressembler aux mères des croyantes, c'est-à-dire Aïcha radiallahu anha, Khadija radiallahu anha, Fatima et Sarah et Maryam radiallahu anha. Si je dois te donner un conseil, Orti, c'est de rechercher à travers ce voile que la satisfaction d'Allah et non celle des gens. Et tu ne dois pas perdre ton temps dans le fait de chercher à être encore plus belle par le maquillage ou les habits à la mode ou quoi que ce soit. Tu peux te faire belle pour ton mari chez toi, il n'y a aucun problème. Mais tu ne dois pas perdre ton temps que dans ça. Tu dois chercher aussi à apprendre ta religion, car aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de femmes, elles perdent leur temps à acheter plus d'habits, à acheter du maquillage. Wallah, quand on voit certaines femmes aujourd'hui, le temps qu'elles perdent, dans le shopping et tout ça, tu te dis, où sont passées les pieuses? Certaines femmes, elles sont capables de perdre une journée entière à faire du shopping. Mais est-ce qu'elles ont déjà consacré une seule journée à Allah, à apprendre la religion d'Allah? Ce sont rares ces femmes-là. Allah al-Musta'in. Et oublie jamais que le regard d'Allah est plus important que ses créatures. Tu dois chercher à plaire à Allah avant tout. Et n'écoute jamais les critiques ou les insultes des gens. Si on te rabaisse, dis-toi une seule chose. C'est qu'Allah m'aime et m'a choisi parmi tant d'autres pour porter le jilbab. Et n'oublie pas qu'Allah ne regarde pas la beauté des gens, mais il regarde leur cœur et les actions qu'ils auront faites. Et surtout, surtout, ne perds jamais ton temps dans les futilités. Car on a été créé uniquement pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le seul but. Cette dunya, c'est pas un objectif. C'est un moyen pour arriver à ta akhira. C'est un test. Quand tu vas à l'école, tu apprends des choses. Après, à la fin, tu passes une évaluation pour passer à la classe suivante. Et bien, dis-toi que cette dunya, c'est un test, c'est une épreuve. Et les résultats, ils vont tomber le jour du jugement, Inch'Allah. Alors, fais de ton mieux pour avoir la meilleure note, Inch'Allah.